Les qualifications canadiennes de patins de vitesse bat son plein à Montréal et Marianne Saint-Gelais est partie, est blessée. On espère évidemment, normalement c'est une formalité, elle devrait être le choix discrétionnaire. Cassandra Bradette est quatrième actuellement, elle est encore dans la course. On en parle avec François-Olivier Robert. Salut François. Oui, salut. François, je veux te parler avant tout de l'article dans le journal de Québec. Ben, je ne sais pas si c'est dans le Montréal, parce que moi je suis abonné au journal de Montréal et non de Québec. Sur le patinage de vitesse et les commotions cérébrales. On en a parlé, j'ai fait une entrevue ce passé avec un coach de football sur une suite à l'étude qui a été faite récemment au football. Je ne sais pas si la NFL, mais on mettait en lief ou en relais les commotions cérébrales avec le football. Mais l'article est sorti ce matin. Marianne est déjà à sa troisième commotion cérébrale. Donc, vas-tu falloir mettre le patin de vitesse dans la même lignée que le football et le cheering, ben, etc.? Non. Ben, c'est sûr qu'en plus, c'est Marianne, là, donc c'est sûr qu'on en parle beaucoup parce que c'est notre meilleure, parce que c'est notre plus grande vedette, puis pas juste notre plus grande vedette au patin, mais c'est une vedette au niveau québécois du sport. Mais le patin de vitesse, ça se compare pas à un sport comme le football. Le football, où c'est un sport de contact à la base et de contact souvent à la tête. Tandis que notre sport, lorsqu'il y a des chutes, des accidents, les commotions peuvent arriver, mais c'est lorsqu'il y a une chute ou un accident intense, ça peut arriver. C'est pas comme le football où c'est pas mal, ça fait partie de la game. Puis tu sais, nous, en patin de vitesse, là, j'ai écrit un texte là, qui se trouve au fpvq.org là, sur justement sur les progrès que le patinage de vitesse, sur les progrès qui ont été faits en sécurité depuis plusieurs années. Puis Marianne est tombée en entraînement, c'est à la glace à l'aréna Maurice Richard. Puis, là, c'est un exemple là, qu'on peut parler, mais l'aréna Maurice Richard, c'est un aréna qui est sans bande. Hein, il n'y a pas de bande de hockey habituelle. Il y a seulement une bande formée de matelas. On appelle ça le système sans bande. Donc, les patineurs sont sur une glace où autour, c'est juste des matelas. Quand ils tombent, le matelas recule. Donc, le matelas absorbe beaucoup les chocs. Puis, Marianne est tombée. Puis, les athlètes tombent souvent. Là, notre sport, Marianne, elle l'a d'ailleurs dit dans une de ses citations, elle a dit « Notre sport, c'est un sport de chute. Ça fait partie de notre sport. » Tu sais, quand on regarde les sélections olympiques, chaque distance, il va y avoir une ou deux chutes. Mais il y aura pas des commotions cérébrales tout le temps, mais vraiment pas. C'est juste que Marianne est mal tombée, puis c'est malheureux. Mais c'est pas une problématique élevée dans notre sport, mais c'est sûr que ça peut arriver. Puis c'est pour ça qu'on prend tous les moyens pour que ça arrive le moins possible. Là, je parle des matelas, mais il y a aussi les casques qui sont améliorés. Il y a bien sûr, comme dans tous les autres sports, les protocoles de est-ce qu'il y a une commotion, protocole de retour à l'entraînement. Donc, c'est vraiment plus pris au sérieux que ce l'était dans tous les sports avant. Là. Mais oui, il y en a, on se le cache pas, mais c'est pas une problématique comme tu as dit, là, comme ça peut être dans un sport de contact comme le football. OK. Il y en a, mais tu sais, comme Marianne a dit, il y en a eu une, trois. Marianne, déjà, elle est encore jeune, mais elle a quand même une longue carrière. Tu sais, 2007-2012 qu'elle a dit ces commotions. Ouais, 2007, 2010, 2012, 2018. Fait que tu sais, c'est quand même une fille qui est sur la glace deux fois par jour, six jours par semaine, qui va à des vitesses comme 50 km/h. Bref, elle a eu une commotion environ aux 5-6 ans. T'sais, c'est pas si pire. Mais il y en a. Dans nos compétitions, on en voit. Avant les blessures, on peut parler de coupures. Il y a eu des coupures dans le passé, puis là, on a des systèmes, nos skins, donc les habits, les combinaisons, ils ont un système qui est résistant aux coupures en dessous. Les patineurs ont un habit de Kevlar en dessous de leur skin suit. Puis là, les blessures qu'on voit quand elles arrivent, c'est des commotions. Ça peut arriver. T'sais, je le cacherai pas, là, dans une compétition, il peut en avoir certainement. Comme aux Jeux du Québec cette année, dans tous les Jeux du Québec, je sais pas s'il y en a eu une, peut-être, il y avait une chute qu'on se questionnait, je crois, mais je pense que finalement, c'était pas une commotion, mais tu sais, quand je dis on se questionnait, c'est justement parce que quand on tombe à patin de vitesse, là, les meilleurs vont en courte piste, ils vont à presque 50 km/h, fait que c'est sûr que quand tu tombes, t'es secoué. Mais là, après ça, c'est le protocole qui embarque de savoir est-ce que c'est une commotion, est-ce que non. Puis Marianne, dans son cas, elle a été retirée justement pour pas prendre de chance, puis parce qu'elle avait un peu, je pense qu'elle était un peu étourdie, puis je pense qu'elle avait un petit problème avec sa vision le jour même. Fait que c'est pour ça qu'ils l'ont retirée. OK, OK. Ouais. Le protocole, est-tu compliqué? C'est-tu un gros protocole, c'est le même protocole qu'au football? Ah, c'est vrai, je peux pas dire. Il y a un nouveau protocole qui est commun à tous les sports au Québec. OK. Je pense que c'est, je vais aller voir le, sur notre site. On a une section sécurité, tu sais, c'est pour dire qu'on prend ça au sérieux, là. Puis justement, là, on vient de publier le plan d'action pour la prévention et la gestion des commotions cérébrales. OK. Ça, c'est le ministère de l'Éducation. OK. François, on va y aller maintenant avec ce qui se passe à Montréal. Marianne, on lui a parlé en début de semaine, au milieu de semaine. Elle est très déçue. Mais je pense que c'est sûr qu'elle aurait aimé avoir sa place en gagnant. C'est tout à fait légitime. Mais normalement, ça devrait être elle qui devrait être le choix du public, hein? Le choix de discrétionnaire. Ah, sans aucun doute. Ouais, ouais. On va y aller pareil, hein? Marianne est déçue parce qu'elle aurait voulu prouver elle-même qu'elle était première et qu'elle était la meilleure. Mais c'est tous les observateurs qui sont à l'arena Maurice Richard, tout le monde à qui j'ai parlé, tout le monde s'entend pour dire que c'est Marianne qui a sa place pour le bail, là, pour l'exemption. Parce que c'est même pas un choix discrétionnaire. C'est dans les 5 patineuses qui vont être classées pour les Jeux, il y avait une place en cas d'événements comme celui de Marianne. Là, maintenant, Cassandra est bien positionnée quand même. Quatrième, elle aussi a des bonnes chances. Cassandra, ça va bien. Ben, elle a eu une super bonne première journée, moins bonne deuxième, mais elle était quand même bien positionnée. Puis, mercredi soir, c'était le 500 mètres. Donc, c'était la troisième journée de compétition, troisième journée sur cinq journées. Puis, Cassandra a été vraiment bonne. Terminée deuxième derrière Kim Boutin. Ouais. Deuxième assez facilement. Là, elle avait pas... En tout cas, de mon point de vue, elle avait pas les jambes pour passer Kim. Kim était trop rapide dans cette course-là. Mais Cassandra était juste en arrière. Puis ça a vraiment prouvé que... Puis elle était quand même en avant de la troisième. Donc, ça a prouvé que Cassandra est rapide, est capable d'être là, était juste en arrière de Kim. Puis je pense que c'était une grosse course pour elle, pour ses points, pour sa confiance. Mais si ça arrive, si on arrive à Cassandra qui doit être peut-être choisie comme choix discrétionnaire ou je sais pas, on va voir ce qui va se passer, mais je trouvais que cette course-là là, disait que ouais, Cassandra est vraiment capable d'aller vite. Je trouvais qu'avec l'expérience qu'elle a aussi, c'était gros pour elle. Je trouvais que c'était un bon moment des sélections pour Cassandra. OK. Mais un qui domine, c'est Samuel Girard. Il est incroyable, Samuel, depuis le début, là. Oh, ben Samuel, il y a des articles qui sont parus là, avant les sélections qui disaient Samuel l'héritier, Charles Hamelin, mais en ce moment c'est Samuel qui domine, mais ben, j'allais dire outrageusement. C'est pas outrageusement, là. Samuel domine vraiment beaucoup. Il y a Charles Hamelin direct en arrière de lui, mais c'est la même chose que ce que je disais avec Kim et Cassandra. Charles est en arrière, mais Charles a pas la vitesse pour dépasser Sam. C'est mercredi au 500 mètres, Samuel a gagné sa quatrième course sur cinq. C'est 4 victoires en 5, puis dans l'autre course, il a fini deuxième. Puis justement, il a mené le 500 mètres, la finale, d'un bout à l'autre. Il était devant Charles Hamelin, devant Charles Cournoyer, puis devant François Hamelin. Puis Charles Hamelin était en arrière de Sam, mais avait pas la vitesse pour essayer de passer. Il a même pas tenté un dépassement. Puis Charles Cournoyer était troisième, puis même lui, il n'y avait pas un gap entre eux, mais il était pas assez vite pour dépasser Sam dans cette course-là. Là. Samuel est vraiment rapide. Puis, là, on peut pas le dire officiellement, là, mais lui et Kim Boutin vont aller aux 11 Olympiques. Là. C'est fait, là. C'est pas fait sur papier, mais ça se peut comme pas qu'il aille pas. Mathématiquement, il y a encore une mini chance, mais. Mais ils vont aux Olympiques, on peut se le dire. Ouais. Ben, François, ça se termine quand, ça, ce soir-là? Ça se termine dimanche. Il reste deux journées, donc samedi, dimanche. Samedi, c'est le 1000 mètres et puis le 1500 mètres. Puis dimanche, c'est le 500 mètres puis le 1000 mètres. OK. Samuel a gagné des deux 500 mètres, qui a gagné un 1000 puis il a gagné un 1500. Fait qu'à partir du moment qu'il gagne un 1000 ou qu'il gagne un 1500, ça veut dire qu'il va être le meneur dans deux distances. À partir de là, c'est fini, puis là, si on peut dire ciao, bye, on achète nos billets pour aller à Pyeongchang. Mais même à ça, ça va super bien, là, mais c'est ça. Donc, samedi à 1h50, ça recommence. Ça va être web diffusé là, sur plusieurs plateformes. Là. Ouais. RDS, Radio-Canada Sport, puis Patinage de vitesse Canada sur Facebook. Donc, c'est facile à voir. Puis sinon, ceux qui sont à Montréal, c'est ouvert là, à Maurice Richard. C'est 10$ par jour, puis c'est un très bon show. Effectivement. François, ça parle lundi pour la confirmation de tout ça. Excellent. François-Olivier Roberge, notre chroniqueur de patinage de vitesse sur Côte-à-Pisse.